nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cette année, l'Éternel promet de faire de grandes choses pour toi, mon frère. Il promet de faire de grandes choses pour toi. Rêvez-toi, rêvez ton voisin, rêvez ta femme, rêvez ton mari. Oui, en ce début d'année, il faut saisir les promesses divines. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rêvez-toi. Nous allons lire Ésaïe 41, versets 10 à 16. Nous sommes à OSB. Ésaïe 41, 10 à 16. Chaque matin, je m'élève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vendras et les vents les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. Quelle promesse merveilleuse! Je voudrais partager avec toi, mon ami, trois vérités. Oui, il y a trois vérités importantes autour de ces promesses. D'abord, la première vérité, c'est qu'il y a deux choses que Dieu te demande de bannir. Cette année, toi qui te plaignais toujours, toi qui marches dans la peur, dans l'inquiétude, Dieu te dit, premièrement, ne crains rien. Regarde, ça revient plus de quatre fois. Ne crains rien. Je parle à quelqu'un, tu as la peur de t'engager dans les mariages. Tu dis, peut-être que je vais échouer. Pourquoi as-tu peur? Aie confiance en Dieu. Tu as peur même de voyager, mon ami. La Bible nous dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Tu vis dans la peur des sorciers, la peur même de te rendre au village. Non, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne crains rien. Tu as appris qu'il y a des gens qui complotent contre toi. Tu as appris qu'au niveau de ton service, il y a des gens qui font incantation, qui font canarie. Mais j'aimerais te dire, Dieu te dit, ne crains rien. Deuxième chose que tu ne dois pas faire. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Nous promenons des regards inquiets lorsque nous cessons de regarder à Jésus et nous commençons à regarder à nos problèmes. Ne continue pas toujours à regarder. Je ne suis pas marié. Voilà, je manque d'argent. Voilà, il y a un problème au niveau de ma famille. Ne promène pas des regards inquiets. Tu te souviens de l'histoire de Pierre? Lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre demanda à Jésus, « Est-ce toi ?» Il a dit, « Oui, c'est moi. » Mais il a dit, « Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. » Tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il a commencé à marcher. À un moment donné, il a cessé de regarder à Jésus. Il a commencé à promener des regards inquiets. C'est comme si une voix lui disait, « Hé, toi, tu ne vois pas que c'est dangereux de marcher sur l'eau ?» Tu vois, c'est ce que le diable fait. Il commence à te suggérer, « Regarde, tu as un problème. Regarde, tu as tel problème. Regarde, il y a des gens qui sont contre toi. » Et tu commences à promener des regards inquiets. Deuxième vérité, il y a cinq jeux qui doivent te rassurer. Cinq jeux qui démontrent ce que ton Dieu est. Tu as besoin cette année de grandir dans la connaissance de Dieu. Souvent, beaucoup de gens n'expérimentent pas la puissance divine. Ils n'expérimentent pas la gloire divine parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Premier jeu, Dieu te dit, je suis avec toi. La présence divine est là. Lorsque les disciples étaient dans la barque, ils ont oublié que Jésus était là. J'aimerais te dire, quels que soient les problèmes, le Seigneur est là, il ne t'a pas abandonné. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse au lion, l'Éternel était avec lui. Lorsque les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient jetés dans la fournaise, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar a vu qu'il y avait une quatrième personne dont le visage ressemblait à celui des filles de Dieu. Le Seigneur est là, il ne t'a pas abandonné. Il dit, je suis avec toi. Jésus va même ajouter, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième jeu, il dit, je suis ton Dieu, c'est-à-dire de manière personnelle. Il veut te montrer que tu as une relation personnelle avec lui. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une relation personnelle. Il dit, je suis ton Dieu. Il y a des gens qui se confient au Dieu des eaux, au Dieu des forêts, aux canaries, aux masques. Mais lui, l'Éternel, le Créateur, Elohim, il te dit, moi je suis ton Dieu. Si c'est celui-là qui a créé les cieux de la terre, qui te dit qu'il est ton Dieu, de qui auras-tu peur? Troisième jeu, il dit, je te fortifie. C'est-à-dire que c'est lui qui te donne la force. Il y a des gens qui cherchent la force dans leur mysticisme, dans les invocations, dans le Dieu des eaux, dans le fétiche. Mais toi, tu as un Dieu qui est fort. Il te donne la force. Il s'appelle El Shaddai. Il dit, je te fortifie. Même quand tu te sens fatigué, quand tu te sens affaibli, tu n'as plus même de force pour combattre. Lui, il te tient par la main. Il te donne la force. Il dit, je te fortifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu comprends? Quatrième jeu, je viens à ton secours. Regarde, les hommes de ce monde, lorsque tu es en danger et que tu les appelles, ils peuvent ne pas venir. Même parfois, ce qu'on appelle les pompiers, là, lorsqu'il y a un incendie, parfois ils arrivent en retard. Mais la Bible dit que notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chaque fois que tu as un problème, il faut former le téléphone divin. Oui, il est là pour t'écouter. Il vient à ton secours. Lorsque tu as un problème, il ne faut pas chercher d'abord à voir un homme, un oncle, un parent, un ami. Ton secours-là, qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le Seigneur. Tu dois l'appeler. Il dit, je viens à ton secours. Lorsque tu l'appelles, il vient. Cinquième jeu, il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Il te soutient. Dans ce monde, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, ils ont un soutien. Il y a ceux qui sont soutenus par des grandes puissances. On dit qu'ils ont des soutiens. Ils ont des sponsors. Toi, ton sponsor, ton soutien, celui qui te soutient par la main puissante, la droite triomphante, la droite symbolise la puissance divine. Lorsque lui te soutient, personne ne peut te faire tomber. Est-ce que tu comprends? Il dit, je te soutiens par ma droite triomphante. C'est-à-dire une droite qui te permet d'être triomphant, d'être victorieux sur tes ennemis. Ta droite là, lorsque tu te soutiens, tu vas triompher sur l'adversité, tu vas triompher sur tes ennemis, tu vas triompher même dans des épreuves. Est-ce que tu comprends? Troisième vérité, ce sont les promesses que Dieu te donne contre tes ennemis. Oui, tu as été combattu, mon frère, tu vis des combats. Dans tes affaires, il y a des gens qui sont jaloux contre toi. Il y a des combats qui se peaufinent dans le monde spirituel. On t'a combattu. Mais écoute ce que Dieu dit, ce qu'il va faire de tes ennemis. Il y a quatre choses. Première promesse, il dit, ils seront confondus. Que tu dises, ils seront confondus. Voilà, c'est Dieu qui te dit ça. Il y a une confusion que Dieu va envoyer dans les camps de tes ennemis. C'est-à-dire, la confusion vient lorsque tes ennemis espèrent, par exemple, ta mort. Mais ils voient que la date où ils ont espéré ta mort est passée. La confusion vient lorsque tes ennemis, ceux-là même qui ont comploté contre toi, tu vas voir entre eux, Dieu va faire en sorte qu'il y aura division et eux-mêmes vont commencer à se battre. Est-ce que tu comprends? Il y aura la confusion. Quelqu'un dit confusion. Dieu dit, ceux qui combattent contre toi seront confondus. C'est une promesse que Dieu te fait. Deuxième promesse. Il dit, ils seront couverts de honte. Est-ce que tu comprends? La honte là, ce n'est pas toi qui seras couvert de honte. La Bible nous dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Mais tes ennemis par contre, l'Éternel te dit, ils seront couverts de honte. Est-ce que tu comprends cela? C'est Dieu lui-même qui va le faire. Troisième promesse, il dit, ils périront. Ce n'est pas toi qui vas souhaiter qu'ils puissent périr. Mais Dieu lui-même va s'en charger. Il dit, ils périront. C'est-à-dire, Dieu va les faire disparaître. Je ne dis pas que maintenant tu dois commencer à prier pour la mort de tes ennemis. Mais c'est Dieu lui-même. Il dit, ceux qui complotent contre toi, lui-même va s'en charger. Ils périront. Est-ce que tu comprends? Et puis, le Seigneur, il dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ceux qui te faisaient la guerre, il y a un moment donné, tu vas les chercher. Tu ne vas plus les trouver parce que Dieu lui-même va les faire disparaître. Est-ce que tu comprends cela? Il est le Dieu merveilleux. Et la dernière promesse, Dieu dit, il fait de toi un traîneau aigu. Verset 15, voici j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras, tu les vanneras. Et le vent les emportera. C'est-à-dire que toi, tu deviens comme un bulldozer. Tu vas broyer les montagnes. Les montagnes symbolisent les obstacles que tes ennemis ont mis devant toi pour t'empêcher de percer dans les finances, pour t'empêcher, oui, d'évoluer, de prospérer dans ton ministère, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher d'enfanter. Le Seigneur dit, tu vas les broyer. Tu vas écraser les montagnes. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Et il dit, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Il y a un vent que Dieu va souffler sur ta vie, qui va emporter tous les obstacles qui se levaient devant toi. C'est le vent du Saint-Esprit. Un vent les emportera. Un vent va les disperser. C'est pour toi que Dieu donne ses promesses. Ça va s'accomplir cette année. Et tu sauras que l'Éternel, il est le Dieu qui accomplit toujours sa parole. Je voudrais que nous puissions le louer ensemble en chantant ces cantiques. C'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Yeah, elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Yeah. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, chômage. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, stérilité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle elle m'a été donnée autorité. Elle m'a été donnée. Gloire à Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, blocage. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Gloire à Dieu, il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim. Élevons nos voix, bénissons ce Dieu pour ses promesses. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Nous t'élevons, Éternel, notre Dieu, toi, le Dieu Tout-Puissant. Oh, sois béni, toi, le Dieu qui nous fait des promesses encore ce matin. Nous te glorifions, oh, notre Seigneur. Toi qui nous dis que tu es notre Dieu, oh, sois béni. Toi le Dieu créateur de toutes choses, sois béni toi par qui tout a été créé. Nous t'élèvons, oh notre Seigneur, toi le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous soutient jour après jour. Sois magnifié, oh notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui renverse les desseins de l'ennemi et tes desseins subsistent d'âge en âge. Oh, nous glorifions ton nom en ce moment, notre Seigneur. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui détruit les œuvres de l'ennemi. Tu es celui qui broie les obstacles devant nous. Nous bénissons ton nom et nous t'élevons. Nous te glorifions, toi le Seigneur de gloire, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Que l'honneur te revienne, toi notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que nous sommes à l'émission OSB en ce début d'année. Notre passage, c'est Ésaïe 41, 10 à 16. Dieu nous donne des promesses. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Il y a deux choses que Dieu te demande de bannir. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Tu vas prier. Peut-être que dans ta vie, tu es plein d'inquiétudes. Tu es plein d'angoisse. Tu as toujours peur. Tu es toujours bloqué. Tu n'avances pas parce que tu as peur de qu'en dira-t-on. Lorsque tu veux commencer à faire quelque chose, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, sois libéré de cette crainte-là. Tu as été bloqué pendant longtemps. Tu vas chasser l'esprit de peur. Prie pour ta libération au nom de Jésus-Christ. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Éternel Dieu, je te rends grâce. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille, je dis merci au Père éternel parce que tu es mon soutien, tu es ma haute retraite, tu es mon libérateur. C'est toi qui me procure la joie renouvelée chaque matin. Je prie au Père dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute forme de peur, toute forme de frayeur est ôtée de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute peine soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Je me suis engagé à recevoir ton fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je mets ma foi et ma confiance en lui pour tout ce que j'entreprends. C'est pourquoi je déclare qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun esprit ne sera capable de bloquer, de m'empêcher à aller de l'avant. Quels que soient les obstacles, quels que soient les blocages, je déclare que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Je mets ma confiance en l'Éternel et je vais de l'avant. Avec Dieu, nous réalisons toujours des exploits. Merci Père éternel pour ce soutien que tu nous donnes, pour toute peur, pour toute angoisse qui est ôtée de notre vie, pour la marche victorieuse que nous avons toujours avec Jésus-Christ, quelle que soit la nature des obstacles, quelle que soit la nature des blocages, parce que notre espérance est en l'Éternel. Notre espérance est dans le nom de celui qui était, qui est et qui sera toujours. Merci Père pour ces privilèges que tu nous donnes en tant qu'enfant de Dieu. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que j'ai prié avec assurance et avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir ce que Dieu dit. Il dit, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi, malgré ma situation. Tu vas dire la situation que tu traverses, parce que l'année passée, tu as vécu un moment difficile. Les gens t'ont dit que Dieu t'a abandonné, mais aujourd'hui, Dieu te dit, je suis avec toi. Comme j'étais avec Shadrach, Meshach, Abednego, moi je te soutiens, même si les hommes t'ont abandonné, même si personne dans ta famille ne pouvait te soutenir. Mais moi, je te soutiens par ma droite triomphante. Je parle à quelqu'un cette année. Oui, tu es resté à l'hôpital, couché, alité. Oui, le Seigneur dit, je te soutiens. Tu sortiras de cet hôpital. Tu sortiras. Tu parleras encore. Tu vas continuer à bouger. Oui, cet AVC voulait t'emporter. Mais moi, l'Éternel, j'ai compassion de toi. Je restaure tes cellules et tu témoigneras. Ton témoignage va faire que plusieurs personnes reconnaîtront la puissance divine. Tu vas commencer à prier. Parle au Seigneur au nom de Jésus. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Sur la brèche, la force dans la prière. Nous voulons te louer ce matin, te rendre toute la gloire ce matin, parce que tu nous as tellement aimés, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, nous l'avons reçue en toi, et nous croyons que tu es avec nous. Merci Seigneur. Louange à toi, gloire à toi, notre Dieu, parce que notre guérison, notre mariage, notre promotion, notre changement de situation de vie, toutes les difficultés que nous avions, tu vas les transformer et nous allons te rendre témoignage devant les gens qui ne te connaissent pas, devant ceux qui nous combattaient partout, par tous les moyens. Notre témoignage va agir dans leur vie. Ils vont te donner leur vie. Nous voulons rendre témoignage parce que tu as changé nos vies. Parce que tu as opéré des signes dans nos vies. Tu as fendu la mer, notre Dieu, notre Père. Tu as fait reculer le Jourdain. Tu as frayé un chemin dans le désert. Et nous croyons à ta parole. Nous croyons à ce que tu dis, que la prophétie va s'accomplir. Si elle tarde, je l'attends. Et je sais, en ce début d'année, ou au cours de l'année, jusqu'en fin d'année, le miracle va se produire dans ma vie et le témoignage sera vibrant. Sois béni, sois magnifié. J'ai prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu dit, tes ennemis seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils périront. Tu écraseras les montagnes, tu broyeras les collines, les montagnes. Amen. Dieu dit, tes ennemis seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils périront. Tu écraseras les montagnes, tu broyeras les collines, les montagnes, les obstacles. Tu vas prier maintenant pour dire, Seigneur, accomplis tes promesses. Je ne veux pas que moi je sois la confusion, mais que toi, tu envoies la confusion dans les camps de mes ennemis. Qu'est-ce qui espérait mon licenciement? Qu'est-ce qui espérait que mon foyer se détruise? Qu'est-ce qui espérait mon échec? Soit de la confusion. Que tu changes l'échec en succès. Que tu changes l'humiliation en gloire. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSP. OSP, opération sur la brèche. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci parce que ce que tu as fait avec Job, Père, tu as changé son humiliation en gloire. Ce que tu as fait avec Joseph, qui a été humilié, qui a été écroulé dans les prisons, Père, tu as honorer son nom, parce que tu es le Dieu qui est le Dieu de tout temps, qui est le Dieu des temps et des circonstances. Tu lui as donné un nouveau nom. Merci parce que le Dieu qui était avec Daniel, Daniel et ses compagnons ont été jetés dans la fournaise de feu. Ils n'ont point été consumés. Leurs ennemis ont été par contre consumé, tu as confondu leurs ennemis. C'est ainsi que tu agis, car tu n'as point changé. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu peux le faire pour quelqu'un. Ce que tu as fait hier dans la Bible, tu peux encore le faire pour ma soeur, pour mon frère. C'est pour cela, Seigneur, cette maladie ne nous amènera point à la mort. Cet échec ne nous amènera point, Seigneur notre Dieu, au désastre. Plutôt, la réussite est notre portion. Ce manque d'argent ne nous amènera point, Seigneur, à se vautrer dans le péché, à répartir sur les anciennes ruines, mais plutôt, Seigneur notre Dieu, une porte s'ouvre au-devant de nous, une porte de travail, une porte de gloire, une porte de puissance, une porte de grâce. Seigneur, cette brève stérilité s'arrête maintenant, cette honte s'arrête et la bénédiction, la fécondité est notre partage. Béni sois-tu pour tes multiples actions positives que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je voudrais rappeler que nous continuerons notre rencontre Bonheur conjugal pour les célibataires avec ce thème « Lève-toi, entre en possession de ton mariage ». Ce sera pour le dimanche 10 janvier 2016. L'entrée est libre pour tous les célibataires au Super, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.